C'est parce qu'au niveau de la vision de certaines personnes, c'est de l'illusion, les libertés individuelles, dans le sens que on n'a même pas la capacité de réaliser à quel point notre condition, ce qui est la condition qui est la nôtre, notre réelle condition, c'est toutes ces libertés-là, c'est des illusions au fond. À leurs yeux, à eux, nous, on vit dans l'illusion qu'eux, ils sont en train de remodeler, là. Donc, ça a peu de valeur là, pour eux. Dès là qu'il y a question de liberté, d'égalité, c'est toujours des concepts abstraits qui visent à sortir les gens de la réalité. On tombe dans l'abstraction de l'idéalisme. Oui, exactement. Les gens sont manipulés par ces éléments en tant que croyance.